En Corée, dans le cadre de la campagne pour la création de la vitesse Maliman, le nombre des unités d'activité qui ont accompli le plan de l'économie nationale augmente au fil des jours. Une vingtaine de troupes de choc de la jeunesse et d'équipes de creusement sous l'égide du ministère de l'Industrie houillère ont accompli avant terme le plan de creusement annuel et une dizaine de fabriques sous l'égide de la direction de l'industrie de confection de la ville de Pyongyang ont terminé leur plan annuel. Les pharmacies de médicaments coriotes des anciens militaires blessés d'honneur de Yonsan, de Salivon et de Singe, sous l'égide de l'Office gestionnaire de production des médicaments coriotes de la province du Fang et du Nord, ont accompli avant terme le plan annuel, alors que sept jeunes de l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang, le plan de 2 ans, et une soixantaine de jeunes de l'usine, le plan annuel. Parmi les jeunes des soirées de Nyongbyon et de Pakchon et de la filature de Manpo, augmente le nombre de ceux qui ont achevé le plan de 3 ans.